moi les nuits blanches, je ne les connais pas. La nuit m'emporte loin des rêves où tu te noies. Elle dit moi le silence quand il m'ouvre les bras. Me porte loin de ton souffle et du son de ta voix. Mais il y a toujours de la lumière chez elle, même si elle ne le reconnaît pas. Dans la nuit, elle lance comme un appel, même si elle ne l'avoue pas. Il y a toujours de la lumière chez elle, comme si elle n'était jamais là. Mais je sens son ombre qui m'appelle, même si elle s'endort sans moi. Elle dit l'amour jamais ne m'emprisonnera. Je saurai me défendre, m'écarter de sa voix. Elle ferme ses rideaux, allume un feu de bois, laissant comme une lueur, et je subis sa loi. Mais il y a toujours de la lumière chez elle, même si elle ne le reconnaît pas. Dans la nuit, elle lance comme un appel, même si elle ne l'avoue pas. Il y a toujours de la lumière chez elle, comme si elle n'était jamais là. Mais je sens son ombre qui m'appelle, même si elle s'endort sans moi. Même si elle ne